Toi, en qu'est-ce plus, que je suis invité sur l'album. Donc mais c'est vrai qu'il y a... Bah, t'es le seul invité d'ailleurs en plus. C'est parfait, franchement. C'est un honneur de ouf. Tu es le seul sur l'album invité. C'est carrément un truc d'exclusivité, quoi. Bon, on en parlait un petit peu justement hier avec une question sur les featurings qui était posée par un auditeur de Skyrock sur lequel tu revenais en disant, bah voilà, une fois que t'as fait un petit peu le tour, tu regardes ce qu'il y a. Ouais, puis tu cherches surtout des gens qui apportent quelque chose. Voilà, qui apportent un truc de différent. C'est ce que je te disais hier, c'est un peu le syndrome du sixième album, c'est qu'on cherche des gens qui apportent quelque chose de nouveau. Et l'artiste, en plus de ce que lui, il fait, etc., voilà, moi je savais que par rapport à son univers, par rapport au mien, etc., il y avait moyen de faire quelque chose. Donc voilà, tu sais, des fois la musique c'est que du feeling, c'est que du ressenti, c'est pas parce que tout le monde fait 3 ou 4 feats que t'es obligé d'en faire 3 ou 4 à chaque fois, tu vois. Je les ai fait sur mes albums d'avant, là je les fais au coup de cœur, et voilà, et quitte à en avoir un, autant avoir le meilleur. Et ben voilà, donc tu es le seul en featuring sur cet album. Ah mais comme je t'ai dit, franchement c'est un honneur, hein. Franchement je vais pas te mentir. Toi Cynic, je suis auditeur de Cynic à la base. Bah, donc, j'ai demandé quoi tu penses qu'on dit Cynic, hormis le fait que vous êtes ensemble maintenant, mais moi je me revois au lycée, nous on prenait les vinyles et tout. On était vraiment, on suivait pour de vrai ce monsieur qui est à côté de moi là. Pour de vrai, là, il nous a choqués. On était là, on se retrouvait dans la cour de récré au lycée, tu vois. Toi, tu viens d'où? De Bondy. De Bondy, ouais. Ouais, je passe. D'ailleurs, je big up les gens avec qui je me retrouvais pour décortiquer les textes de monsieur. C'est AB, El Chefa, Maos. J'ai dédicace, c'est frérot. On se retrouvait, puis voilà, on disait, t'as vu comment c'est un fou. Toi, tu rappelais déjà à l'époque aussi, la punchline de fou. Tu commences à écrire un petit peu. Franchement, on commençait, on avait déjà, ouais, au lycée, j'étais déjà dans le rap. Mais voilà, quoi, les phases B, on prenait les phases B de Nixie. Et franchement, on écoutait vraiment, tu vois. Bon, s'il y a un morceau à retenir en particulier, t'en as en tête, un qui m'a traumatisé, c'est La Rime qui blesse. Ouais, ça date. Hein. J'ai jamais été en équipe à part au foot en salle. De toute façon, c'est mieux, c'est les gens seuls qui font mieux l'argent sale. Voilà, tu vois, c'est quand t'as 17 ans, c'est les premiers maxi. C'est les premiers maxi. Donc voilà, les gens qui me sortent ça, c'est des gens qui m'ont vraiment soutenu. Tu vois, ils ont écouté les morceaux les plus connus. Ça, c'est les morceaux qu'on faisait dans des caves. Hein, tu vois, c'est pas des blagues. Hein, franchement, je vais pas te mentir, c'est pas des blagues. On le sait. Tu vois. Et bon, on va continuer à parler justement de vous deux, la façon dont tu as rejoint aussi 6ix9ine dans un instant. Mais juste avant, et comme il est 20h pile, on débute avec le cancer de la banlieue. Ouais, vas-y. Ouais. Allez, c'est parti, c'est extrait de l'album qui sort dans 5 jours, lundi 13 avril, dans les bacs. Yes. Immortel 2. Un gros bisou à Inès. À tout prix être une machine de billets. En privé j'en oublie même de prier. De quoi en faire un drame. L'album il sort lundi, Immortel 2. Si j'ai appris à faire des liasses avant de fermer la série dans le crâne. J'ai rendu fou les scanners. Chef je ne baisse pas la tête, baisse ta mère. J'ai le cancer des mecs de banlieue. Personne ne m'engage. Les coups de tête, je connais que ce langage. Je vois le mal partout. Tais-toi, tu parles au portable. C'est moi qui fais des doigts, qui porte une arme dans les reportages. Syndrome de la cité. Obtenir le studio gratos. Gratter l'état avant qu'un pote pète à le matos. Le fond n'est pas mauvais, mais tellement de choses à prouver. On ne cherche pas de taf, on se plaint de ne pas en trouver. On pleure le manque de thunes. Si tu peux branler, les profs nous l'avaient dit, fallait bosser plutôt que se branler. La solidarité, on fait croire que ça nous tourmente. On collectionne les bifs collectifs que dans les tournantes. Hier, haine gratuite, police et maton. Dommage pour se faire battre, on a nous-mêmes donné le bâton. Celui qui cherche la merde, on le baisse en mètre de vaseline. En insultant son père et sa mère comme Samir Nasri. S.I.N. Challenge. Maintenant c'est visible, les trophées du hip-hop ont révélé notre hip-hop crise. La force venait du nombre. Le rap s'est tué, les seuls trophées du monde où les gagnants se faisaient huer. Alors on chante notre haine. 13 avril dans les bacs. Des marionnettes qui n'ont même pas leur place au guignol. On ruine le peu qu'on a. C'est dommage, maladie mortelle. Je pense que les seules balles qu'on a tirées visaient nos orteils. Docteur, est-ce que c'est grave? Tu m'as roulé. Le clip vient d'arriver. J'en ai plus rien à foutre si je pense qu'à tout écraser. À tout prix être une machine de billets. En privé j'en oublie même de prier. De quoi en faire un drame. Insta, Facebook, Twitter, Cynic officiel. J'ai appris à faire des liasses avant de fermer la série. Rien dans le crâne. J'ai rendu fou les scanners. Chef je ne baisse pas la tête, baisse ta mère. On préfère dire que tout est truqué. Des ignorants, si on s'affiche, c'est pas de la faute à Laurent Ruquier. Chacun ses torts, malgré ce pays raciste. En crachant sur la France, on scie la branche où l'on s'est assis. Le rôle du vrai bonhomme, une gueule de coupable. Oublie les apparences, on peut remplir les caves de boucave. Rappeur, on a ton blaze, j'espère me tromper. La loyauté prend fin là où commence la peur de tomber. Et on s'étonne qu'ils refusent de faire de la pub trop violent. Pur parisien que des ta mère la pute au volant. Je suis de ces mômes de Thèse, apparence impeccable. Une avalanche de haine sur TF1, je parle comme un P4. On veut rien écouter. Ça sort lundi, Mortel 2. Je joue les mecs soudés, on fait la guerre au quartier d'à côté. Alors on compte les morts, c'est devenu un sport du sang dans l'horoscope. Être l'équipe qui va mener au score. Sinon ça brûle des caisses, loin de la droiture. On croit changer le monde en privant le voisin de sa voiture. L'odeur du barbecue, casser les barrières. Visage masqué, y'a que Daft Punk qui a fait carrière. Plein de haine, regard égorgeur. Tous les mêmes, parce que les putes font pas des Yorkshire. Ils veulent me la fermer, sur ma tête je ne lâcherai rien. Incapable de gérer sa fierté comme un Algérien. Docteur, est-ce que c'est grave? Si ma route est tracée, si j'en ai plus rien à foutre. Si je pense qu'à tout écraser. À tout prix être une machine de billets. En privé j'en oublie même de prier. De quoi en faire un drame? Payer le prix du passé. Si j'ai appris à faire des liasses avant de fermer là, c'est rien dans le crâne. J'ai rendu fou les scanners. Chef, je ne baisse pas la tête, baisse ta mère. Tous ceux qui se plaignent de ne pas avoir du vrai rap, c'est le 13 avril que ça se passe, la famille. Avec Immortel 2 dans les bacs, en effet, comme le disait l'artiste à l'instant, le morceau de Cynic. Et le clip est arrivé hier. Hein. Ouais, c'est ça, hier à midi. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur les chaînes officielles de Cynic. Chaînes officielles sur YouTube, voilà, Facebook, Cynic officiel, Instagram, c'est Cynic-du-bas officiel, mm-hmm. Et Twitter, Cynic officiel, tout quoi. Sinon, voilà. On arrive à trouver quand même. Hein. Vous tapez le concert ouais, de mon lieu, je pense que. Normalement, sur la chaîne, c'est mieux. On peut le trouver facilement. Et c'est vrai, toi, l'artiste, c'est quelque chose, évidemment, qu'on en parlait à l'instant, donc qui t'a marqué la plume de Cynic. Exactement. C'est quelque chose, même là, encore aujourd'hui encore cet album hein. bien sûr moi comme je t'ai dit là tout de suite au micro, pour ceux qui veulent du vrai rap, ceux qui se plaignent de ne pas avoir de vrai rap, ceux qui se plaignent que ce soit trop pop, trop électro, trop autotune, trop trap, bah là t'as du vrai rap. Donc au lieu de se plaindre sur internet, faut aller sur son iPhone ou je sais pas quoi, aller télécharger, précommander l'album et aller soutenir dans les bacs, tout simplement. En fait, c'est, il y a que comme ça que tu peux avoir du vrai rap, c'est en soutenant du vrai rap, tout simplement. La signature chez 6ix9ine sur ton label Cynic, ça s'est fait comment pour l'artiste? C'est quelqu'un que vous suiviez déjà depuis un petit moment? Ouais, ça faisait un petit moment déjà qu'on suivait ce qu'il faisait. C'est Nabil qui m'en a parlé en fait la première fois. Et après, comme quasiment tous les artistes qui sont venus chez nous, ça se fait au feeling humain et au feeling artistique. Mais l'humain est aussi important, tu vois. Donc voilà, je pense que nous on estimait qu'il avait toutes les qualités, et au vu de son album qui est sorti là il y a pas longtemps. Phénoménaux le 30, bah voilà, écoutez, hein, allez écouter, faites-vous un avis, mais voilà, nous on estime que c'est vraiment du lourd, frère, et voilà, régalez-vous, c'est Kaira, c'est auto-tuné, il y a du flow, il y en a pour tout le monde, et voilà, donc voilà, c'est rare les artistes comme ça, et je pense qu'ils portent bien son blaze, puisque pour l'avoir vu travailler en studio, je peux te dire que voilà, ça fait des prods, ça trouve de la mélo, ça écrit, ça, tu vois. C'est... Toi, tu fais tout, tu bosses, t'essaies de tout bosser, le son, l'écriture. Ouais, je bosse tout, je sais pas. C'est comme ça en fait, j'ai appris à faire un peu de tout. Et puis et qu'est-ce qui t'a motivé justement à rejoindre le label 6ix9ine? Bah parce que pareil aussi dans l'autre sens, c'est l'humain, c'est... Bah, dans un premier temps on peut pas dire c'est de l'humain, parce que tu connais pas les personnes, mais tu connais leur palmarès. Déjà ça c'est important, tu vois. Moi avec le succès qu'ils ont eu avec Nixix ou même avec l'Alger, tu vois ce que je veux dire. Pour moi je parlais avec des gens sérieux quoi, dans un premier temps. Ensuite, franchement c'est un régal de travailler avec ces gars. C'est le feeling, ça s'est passé tranquille à chaque fois. La première rencontre avec Nixi, pareil, on s'est tout de suite entendu très très vite. Avec les frérots, ça se passe très très bien. Il y a Jenna aussi qui est là, Et une petite nana avec nous qui est parmi nous, qui nous donne des petits coups de main, et elle est opérationnelle aussi. Franchement, on a une bonne équipe. Franchement, je suis petite content. Petite équipe, mais qui bosse dur. Ouais, quoi. Ouais, je pense à Amida aussi, qui a une Assamette. Franchement, on a une vraie bonne petite équipe. Mmh. Et je suis content de travailler avec ces gens-là, en tout cas. Bon, bah écoute, maintenant. C'est cool, hein, maintenant, faut aller au bout. Maintenant, faut aller jusqu'au bout. Défendre les projets. Bah, en même temps, pour Phénoméno, j'ai l'impression que ça se passe bien. Ouais, ça va, franchement, ça va. Album, beaucoup de tournées, parce que c'est vrai que l'artiste, c'est un gars qui tourne beaucoup. Beaucoup de scènes. Beaucoup de scènes. Beaucoup de showcase, beaucoup de scènes. Tous les week-ends, par exemple, ce week-end, à mon avis, t'es quelque part, non? Je suis à Annecy, ouais. Bah voilà. Tous les week-ends, le gars n'est jamais chez lui. Ouais, on tourne beaucoup, on essaie d'aller voir le public. Mais il a les sons aussi, tu vois, il a les sons qui font que, voilà, t'as vu, c'est un ambianceur. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'album, allez écouter des morceaux genre Polygame, des trucs comme ça, vous verrez qu'il y a de quoi, il y a de quoi s'ambiancer aussi, donc c'est assez normal, je pense. Et bon, on va écouter par contre un morceau. Je pense qu'on va mettre maintenant le morceau que vous avez en commun sur ton album. Ouais. Celui-ci. C'est le moment. C'est le seul featuring, on le disait, avec l'artiste. Au bout de ma life, c'est sur l'album de Cynic qui sort lundi 13 avril. Yes. Et on l'écoute tout de suite sur Skyrock. Cynic, l'artiste. Je comprends ceux qui prennent de l'herbe pour la cause, car la vie c'est molletonnelle, elle est rose ou pleine de merde. Pas méchant, je rêvais d'un monde à mon goût, mais si je tire comme Oscar, je prendrais mes jambes à mon cou. J'affronte la vie comme un deuil, je fais des demi-cauchemars parce que je ne dors que d'un œil. Mortel 2. Cœur d'un monde qui fait peur, je vois les sœurs qui portent plainte. Les violeurs partent au taf aux heures de pointe. Pas dans un rôle de cinoche, la vie c'est fort de monter haut. Beaucoup trop longue et si moche. Entouré de profiteurs. Aïe. Homicide ou crime d'honneur. Auditeur, bienvenue dans mon film d'horreur. Dans ma tête, je les emmène. La gamberge, mes amis, mes ennemis, mes amours, mes emmerdes. Une partie de blackjack. Dans un monde où les potos meurent plus vite que les photos sur Snapchat. À deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade. J'allais tous les braquer. Yeah. Je suis au bout de ma life, à deux doigts de craquer. Je suis dans des bails de malade, solitaire et traqué. Épuisé de faire semblant, tous les jours les portes se ferment, forcené. À tous les maîtres au trou qui nous écoutent. S'il fallait tirer un trait à chaque fois qu'un pote part, Rami, je deviendrais dessinateur de code barre. Comprenez ma prudence. Les Ulysse, 91, 93, Bondy. Si l'herbe est plus bonne, mon pilon, ma piscine. Pour décor la Corée, je me fais des visions d'horreur. Dans ma prison dorée, convaincu personne même. Je mène la vie à Poutine. Le regard noir, toujours en guerre, la routine. Balafré, sourire chum. Enterrer sa vie de garçon, pour nous ça, ça veut juste dire mourir jeune. Une odeur de roussi. Alors je plane, tellement de blême dans ma tête. Je mange un planète souci. Juste un frère à bout de nerf, en roue libre, Kalachnikov sur le dos, venu pour faire je un coup. Je roule ma life, à deux doigts de craquer. Je suis dans des bails de malade. Bah ouais. Je vais tous les braquer. Je suis au bout de ma life, à deux doigts de craquer. Je suis dans des bails de malade, solitaire et traqué. À part mes cicatrices, je ne regrette rien. Pompe, flingue, avocat, stop la vie d'aloca. J'ai fait du sale et j'ai fait du bien. Grosse lasse de Star Wars, rendez-vous au parloir. Ils veulent traquer à l'honneur de ma fin. Ok, ok, tout ça on verra bien. J'ai pris des coups, j'ai pas lâché le terrain. Bang, bang, bang, bam. L'artiste est l'assassin. Je suis au bout de ma life. Ça se passe le 13 avril. Dans les bacs. Je suis dans des bails de ma Immortel 2. Bah ouais. S.I.N.K. L'artiste. Je suis dans des bails de malade. Yeah. Solitaire et traqué. L'album sort le 13 avril, yes, lundi. Et on précommande dès maintenant pour récupérer l'album. Ouais, en préco, avec deux titres en plus. Immortel 2, et ce morceau, vous le retrouverez avec l'artiste qui est là aussi ce soir en invité. Ouais, sur le featuring. Entre 20 et 21. Il est né comment, par contre, celui-ci? Toi, tu le voulais avec lui ou il est venu par la suite? Je le voulais de ouf. Je le voulais de ouf. Et voilà, et après, on s'est rencontrés en studio. On savait pas encore exactement. On a réfléchi ensemble. Ouais. On est parti de ce délire-là, au bout de ma life. C'est ça, ouais. Mais c'est pas un morceau qui existait auparavant. C'était pas un truc que t'avais fait. On l'a fait. Il est bien réfléchi, franchement. On s'est posé, vraiment, on s'est pris la tête à vraiment chercher un thème. Et on est tombé sur un délire de forcené, tu vois, de genre un type un peu. Comment dire, il est au pied du mur, tu vois. Il est d'où le au pied du mur, d'où le titre, au bout de ma life. Et voilà, quoi, il m'a proposé un petit peu le thème et puis j'ai accroché direct. Le son est signé, celui-ci. Le son de celui-ci. Oh là là, frère, je vais te dire ça tout de suite là, tu me poses une colle. Attends, Jenna, regarde, elle est à tout de côté, l'album. Frère, il dégaine trop vite les questions. Mais non, mais parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des producteurs sur cet album depuis début de semaine. Bah là, en l'occurrence, moi, c'est un gros producteur, tu vois. Et en l'occurrence, mais c'est vrai que j'aime bien c'est qu'on parle. G Futuristic. Lourd. G Futuristic qui a bossé avec des gens comme Rof. Et on va parler des autres aussi, puisqu'on. Le genre de prod. Mais il y en a beaucoup. J'ai taffé avec pas mal de mecs, je dédicace Diagram, Member K. Voilà, toute l'équipe à Casa, tous les gens qui ont bossé, Traffic Music. Voilà, t'as vu Biggie aussi qui m'a fait un gros son qu'on fera écouter demain. Et voilà, il y a plein de monde, on va essayer de les cases dédiées au fur et à mesure. Mais voilà, tous les beatmakers et surtout celui-là parce que c'est un gros son. Futuristic, donc qui a signé le son de Au bout de ma life. Yes. Qu'on écoutait à l'instant d'ici, elle est quoi? Une grosse vingtaine de minutes, vous ferez du live maintenant ensemble? Ouais, on va faire un live. Session live de prévu, on mettra aussi un autre morceau dans quelques minutes, Cynic. Ouais, comme d'hab, on va y réfléchir à Contradiction. Ouais, je pense, Contradiction. Ah non. Ah, je vois que Karim. Ah. On se fait un inédit ou quoi? Ouais, on va y aller. Ah, titre inédit, validé par Karim. Peut-être quand je serai grand. 609, l'équipe est là, donc à découvrir dans un instant. Bougez pas, on vous attend aussi avec vos réactions. Le hashtag c'est Cynic sur Skyrock. Vous balancez tous vos messages et on revient juste après ça. Skyrock reçoit Cynic pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap Cynic. Le Planet Rap avec Cynic toute la semaine, l'album Immortel 2 qui arrive lundi dans les bacs avec en featuring l'artiste baby et aussi les producteurs. Je crois que tu voulais aussi les saluer tous. Ouais, parce que j'aime pas trop faire les choses à moitié. Tout à l'heure tu m'as pris un peu de cours, je te les ai sortis de tête. Donc on a bossé avec Diagram, avec G, avec Thunderbolts, avec Traffic, Diakar, Cello Prod, Biggie Joe, Noja et Gaines. Donc voilà, ça c'est tous les beatmakers qui ont participé à l'album. On les big up, on essaiera de les redédicacer, de faire tourner aussi le bis parce que voilà, c'est des gens compétents qui ont grave bossé, qui ont été là pendant 2 ans avec impliqué. Moi. Impliqué à mort. Voilà, même Burka, grosse dédicace à lui en particulier. C'est des gens, voilà, je les ai eu peut-être 400 ou 500 fois au téléphone pour un piano, pour un violon, pour une instru à refaire, un truc et tout. Donc ça fait plaisir parce que voilà, quand tu démarres un projet, en général, tu te sens un peu tout seul. T'es là, tu vas travailler dans ton trou, tu repars à zéro, t'as tes maquettes à faire, tes trucs et tout. Et quand il y a des gens qui sont là tout de suite avec toi, qui accompagnent le projet et tout, c'est cool. Donc voilà, gros big up à eux. Et ça, c'est quelque chose, voilà, comme c'est le 6e album, est-ce que c'est des choses aussi petit à petit sur lequel tu t'es amélioré avec les sons ou tu cherches des mélodies, toujours. Je leur prends la tête en fait au niveau des tonalités, au niveau des trucs. Il y a des trucs que t'aimes pas, que t'enlèves. Tu peux aimer un truc, maqueter le morceau et au final, c'est pas terrible. Donc tu recommences. On a fait beaucoup de remix sur certains morceaux. On a cherché vraiment le bon son, etc. Donc c'est des trucs qui prennent beaucoup de temps et voilà, et c'est des mecs super réactifs, tu vois, tu leur donnes un remix à faire dans la nuit, le lendemain il est prêt le truc, c'est sur la boîte mail, tu te lèves, c'est prêt. Donc voilà, ça fait plaisir de se sentir soutenu à ce moment là donc voilà, grosse dédicace à eux. On salue tous ceux donc qui ont bossé avec toi sur ce projet qui s'appelle Immortel 2 et on est promis donc un titre inédit. Ouais, ça y est, c'est sûr. Ouais, je pense qu'on va le mettre. On va le mettre quand je serai grand. Quand je serai grand. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est un morceau pareil qui est né à quel moment ou qui est né comment sur. Celui-là, il est né quasiment au début. Mmh. Il est né au début. On l'a maquetté avant. Bah, comme je te disais à l'instant, c'était pas du tout cette prod là. On l'a maquetté. Il y a mes petites cousines aussi qui sont dans le morceau pour la petite histoire et pour le petit clin d'œil. Et voilà, c'est un truc qu'on a fait en famille. Mais voilà, c'est un morceau large de l'album. On sort un peu aussi des trucs un peu sérieux, le cancer de la banlieue et tout. Un album, c'est assez large, tu le sais. Donc j'ai essayé de faire plein de trucs et ça, c'est une des petites nouveautés, un des nouveaux délires que je tente sur cet album-là. Et bon, on l'écoute maintenant. Quand je serai grand, c'est extrait d'Immortel 2 de Cynic. Un domaine juste au bord de la mer. Un jour quand je serai grand, vous verrez, je serai blindé. Tout seul au quartier, je prendrai le rinté. Plus tard quand je serai grand, y'aura plus de galères, de thunes, de salaire. Je pourrai aider ma mère. Un jour quand je serai grand, en amour, en affaires, je ferai ce que je dois faire. Je serai franc et sincère. Plus tard quand je serai grand,

Boutigny. C'est vers chez nous. C'est vers. C'est caché. On peut pas trouver. Je connais pas trop Boutigny en fait. Bah, c'est hein? tout petit, je crois. C'est un petit. Très petit. Je connais deux noms. Et ben, Lars, on va t'écouter en direct du 9 en direct de Boutigny. C'est parti, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Aïe. Par contre. Oui. J'entends pas l'instru là. On va essayer de la booster un petit peu. Ouais, un tout petit peu. Ah, là sur Skyrock. Aïe. Eh. Ouais, tranquille. Eh. La vie c'est dur donc. Pas si simple que ça, si t'as pas de maturité, tu te manges les réflexions des sages. La vérité, je suis dans un monde néfaste. J'ai beau méditer, on m'a étiqueté comme le fonce qui est hal, tout le monde peut changer. S'arranger pour esquiver les dangers, se venger, je viens tout déranger. Comme un cancer dans ta vie, j'ai quelques bons textes pour que ça kick. Tu m'as envoyé l'invite, frapper ça me démangeait. C'est pour les frangines et les frangins, pas pour les gentils et les gens bien. Ça touche. Monte l'ampli et les enceintes, t'as 106 ou 205, c'est temps-ci, j'aime les gens simples, je suis pensif comme un genre. Il me faut un stick et un verre, j'ai un kick et je m'entête. Rime et pas frime, je t'emmène dans une virée d'enfer. L'arc la car je peux pas prier, j'encaisse, je suis grillé, je m'entraîne, gros j'ai crié, j'enchaîne, mec c'est facile. Rap à tête comme si c'était un classique, mais j'ai pas de rap à thème, donc c'est pas pratique. Le rap m'appelle, je passe dans sa baraque. Toujours mieux quand t'es pas là, quand t'es parti, il m'a sorti. Bon départ, on montera pas ensemble. Chacun ses choix, on va pas dans le même sens. Quand il pleure, j'ai une joue à d'enfer. Je me dis que si le monde tourne, c'est qu'il tourne à l'envers. Faut que je me tire avant que tout sorte en l'air, avant que tout parte en guerre. Ou être à Air Station, c'est ça la vie des jeunes. Des coups de batte en traite, mec, le tout te renferme. Et ton avenir déchire, tu veux des gifles, mais tu vas te manger des gifles. Yeah. Ok, Lars, à l'instant. Aïe. Eh ben, merci à toi, Lars. tu connais. On peut te retrouver où, Lars? Ah, un peu sur le net. Sinon, il y a pas trop. Eh ben, vas-y, balance. T'as place la gare. Il y a des petits sons avec des petits poteaux là d'à côté, Balancourt, Karl Van Crew. Et avec tous mes potes, Balancienne, tout ça, il y a tout. Eh ben, merci à toi, Lars, en tout cas, pour ce freestyle par téléphone. Vas-y, ça marche. Passe une bonne soirée, le Planète Rap avec Cynic. Juste avant de passer au live, est-ce qu'on remet un petit morceau? On n'a pas mis le Contradiction ce soir. Ouais, vas-y. Vas-y, hein. Ça, je dis rien. Ah, vas-y. Contradiction, c'est un des premiers titres qui a été balancé aussi. Le clip aussi, il est dispo. Le clip est dispo. Ça permet de le dire, c'est cool. Et il y a plein de gens qui le réclament aussi. Donc, on balance Contradiction maintenant. Et puis, juste après, on vous laisse le micro avec l'artiste pour la session freestyle. C'est le 13 avril dans les bacs. La drogue nous a baisé la tête. Ma parole, on respecte les grands de la tête. On parle mal à la daronne. Parfois on rit du mal. Ridicule, on met des armes dans nos clips. On craint plus Dieu, on flippe du tribunal. Des fois je comprends plus l'homme. Il aime sa go mais tape du poing. Pour lui la carte fidélité sert au kebab du coin. L'enfer il s'y promène. Main dans les poches, il a les clés du nouveau Porsche. Mais il préfère voler des Citroën. Ils interdisent le joint. Preuve à l'appui pour la vie des gens. Pourtant ils vendent du vin depuis la nuit des temps. Alors ils signeront mon arrêt de mort parce que fumer ce n'est pas bon pour la santé. Parole de vigneron. Aimer peut faire du mal. En cachette, allez les bleus, femme battue, elle s'encourage, allez les bleus. Avoir un prince charmant, elle te rabâche, avoir ce triste but faux, elle ne s'attache qu'au roi des fils. Le royaume de la triche, vie paradoxale, riche, grâce au crime, au football ou à la boxe, taille, spliff à la bouche, nique tous les honneurs, tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Au royaume de la triche, vie paradoxale. Dédicace les meilleurs punchlines du rap français. À la bouche, nique tous les honneurs, tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Ici on parle comme des bénévoles, limite pâle, on prétend que c'est la crise. On met 1000 balles dans un téléphone. Des hommes en chute libre, en vrai ça survit. Des durs dans leur clip pendant que leur mère mange que des curly. Je ne cautionne personne, l'homme est maître de lui. Ouvrir le feu est aussi bête que du maître de l'huile. Il parle de liberté, font de la dictature. Demain, si je vous baise, m'en voulez pas, c'est une caricature. Ambiance parano, aucune tendresse envers sa mère. On dit je t'aime à des putains, on n'en pense pas un mot. J'ai peur de ce qu'elles deviennent.

pour le Givenchy. Moi je m'en bats les couilles de tout ça. J'suis pas un gratteur de boussa. Inch'Allah que j'me barre au coma. Rejoindre le père de Moussa. J'ferai mes prières à l'air et des doigts pour ceux qui sont tipas. Moi j'ai commencé ma carrière en brûlant ma guitare. Yeah. Souvent on se perd, on s'oublie. T'as vu, des fois j'suis troublé. Tout le monde veut tout doubler. Sûrement parce qu'il y a trop de blé. C'est l'artiste Purple Money. 9-3 Bondi Norte. Yeah. T'inquiète, j'en ai plus pour longtemps si ça peut te réconforter. Je n'arrête pas, papa, de les humilier. Du rap, rap, rap, j'ai le pilier. Inclashable, inflammable, j'suis bad, bad, bad. Régulier, les langues de pute déboulent en milliers. Clac, clac, clac, clac, délié. Bang le sud, on m'a filié. Dans mon 4-4-4-4 bélier. T'as compris, moi je viens de la thèse. En zone prise sous l'épée de la dèche. La barbe noire à la benne de la denne. Car derrière chez moi, c'est le Bangladesh. Fin de la trêve, gardez la pêche. Pas question de la faire de la laisse. Yo, fuck, c'est loin qui me prennent la tête. J'suis comme Bieber, j'peux pas vendre la mèche. Les Ulysse, j'viens de là-bas. Prototype galérien de la cave. Efficace, tiens de la face. J'dédicace tous mes chiens de la case. Héritage, que de la merde. Frère, si tu veux mon avis, c'est la haine. C'est clair que je porte le drapeau de la tête, comme on sonde des fourrailles, le capot de la caisse. Si nous attire, là les douilles, violent, on s'en bat les couilles. Toujours il faut jouer des coudes, Hollande, on s'en bat les couilles. Personne ne veut perdre des plumes, disons qu'on aime pas les cours. On est venu faire des thunes et fuir salam, alaykoum. Si nous attire, là les douilles, violent, on s'en bat les couilles. Toujours il faut jouer des coudes, Hollande, on s'en bat les couilles. Personne ne veut perdre des plumes, disons qu'on aime pas les cours. On est venu faire des thunes et fuir salam, alaykoum. Cynique, ça sort le 13 avril, la famille, Immortel 2. 3 Bondi, 1 les Ulysses. Ra. Ok. J'ai pour cap personne, carotté personne. Alhamdoulilah, tout va bien, moi je ne trahis personne. Et si mon air sonne, que l'imam intervienne. Qu'il lave mon corps avec de mes actes, on se souvienne. J'ai restumé le voile, le voile. On l'a qu'on met les voiles. Mais moi j'suis pas une resta, si jamais tu veux cibler les étoiles. J'me mets jamais sur un pédestal, pourtant le produit est phénoménal. Souris toujours, mais le cœur a mal. Jamais rassasié, j'ai toujours la dalle. J'vais pas rester pour faire la fiesta, poto. Moi j'veux rentrer chez moi, bang bang. Moi j'veux rentrer chez moi, bon dinar, c'est mon doigt, c'est chez moi, bang bang. J'vais me les faire là chez moi, bang bang. J'suis même pas à la tienne, moi, bang bang. J'attends jamais le 13ème mois, vous voulez du son, le rappelez-moi. Purple Money est fier de moi. Sixton Nine est fier de moi. Fier de Cynic, de Kaina Samet. Fier de DJ Hamida. Purple Money est fier de moi. Sixton Nine est fier de moi. Fier de Cynic, de Kaina Samet. Fier de DJ Hamida. Ok. Me prends pour le king, pour le roi de la ville. Même que je porte le drapeau de la tête. Ferme la vide, ferme la vie. Le cul qui nettoie le capot de la caisse. Personne peut me tester. Tu crois que tous tes potes vont rester? Tire pour manque de respect. Tire pour manque de respect. Barre de fer, barre de rire. Partenaire à qui appartenir? Perdre l'oseille sans jamais rien faire. Je suis sûr de moi, je vais y parvenir. On est nombreux, c'est nous contre eux. T'inquiète, je connais bien la routine. On croit que dehors c'est Brooklyn. Encore y'a que là qu'on bouquine. Hors de toi, tu fais la forte tête. Tu veux faire du but, pourtant les portes se ferment. Tu veux quitter la ville, c'est des corps de mer. Tu veux vivre dans un clip, être en bord de mer. Ah, harcelé, harcelé, toujours interpellé. Frère, face au mur, les bras écartelés. Douze morts de peur devant les barbelés. Le ciel nickel, le 13 avril, la famille. Bah, ouais. Purple Money. Bah, ouais. Dédicace à Samy. Yeah. Rip, Dato. Joy. Ok. Aïe. Passe pour tous mes petits gars. Mon DNORD, l'artiste, baby. Cynic. Ça fait. La braque est un convoi, ma bite. Tu touches que de la peufra, ma bite. Tu gères les petites chez toi, ma bite. Tu tiens pas deux secondes là où j'habite. Victime sous-estime, tu meurs dans le film. Je traîne avec espèce rarissime. Les poucaves, les poucaves, les poucaves, les poucaves font des appels anonymes. On est gentil, mais faut pas pousser. Tu me connais pas, faut pas me toucher. T'as une paire d'as, faut pas te coucher. Tu me regardes mal, faut pas loucher. Bang bang pow, tu connais ma gimmick. Elle est authentique et ceux qui imitent, j'sais pas qu'ils sont nuls. Loin de là, mais bon, moi j'ai aucune limite. 93, je porte les flambeaux. Je porte le flambeau. Que des soldats équipés comme Rambo. Équipé comme Rambo. Je mange le couscous avec sauce gombo. Je suis le rebelle plus qui toco. C'est pour tous mes arbitres, tous mes mogos. Et pour tous mes guerres pétés au porto. On est gentil mais faut pas pousser. Pas pousser. Pas pousser. Je fume pour arrêter de tousser. Aïe. Un peu nerveux, un peu émoussé. Émoussé, émoussé. Ce soir j'ai une forte envie de mousser. Marionnette, malhonnête, mais bien malin qui ne profite jamais. Rien que ça joue sur la vie de ta mère. Tu le sais, petit compte à la vie que j'avais. À fond dans le rôle, faux frère que des faux airs. Achiche dans le hall avec un poids chiche dans le faussaire. T'as les bons et t'as les bandits. Non, la vie ce n'est pas la télé. Tout le monde il est beau et gentil. On n'est pas dans un film à elle. Pas de bombe qui explose. Pas le temps de mettre pause. Leur vécu se résume en un texto minuscule comme le cul de Kate Moss. Tu t'en cours que de vite couille. Pour Béflan, l'argent s'y va. Tu te défends comme un pitbull. Tu prends

de 609. Mec sorti de droit du Moyen-Âge. Franchement, je t'avouerais que mais j'ai vu que t'es vois, j'ai pas l'habitude de voir mon producteur rapper avec moi, tu vois. Mettons les images. Je vois, il arrive, il prend le mic et ça, il fait les bacs. Non, mais lourd, comme lourd, lourd. Comme ça, tu vois, comme quoi c'est des passionnés, tu vois, et c'est pour ça qu'on est travaillé avec ces gens-là. Je sais pas chez ce nous, il y a des tout terrains. Chez nous, on est tout terrain. Le truc qui s'est passé sur la tenue. On peut la mater d'ailleurs. C'est vrai qu'il assume pas les bacs, ça. Ouais, c'est ça, en fait. Sur le @planetrap, on peut aller faire un tour sur les réseaux sociaux. On a mis une belle image. En tout cas, mon gars Karim, il est toujours là. Et on peut saluer le CK qui est. Le CC aussi, il est là. Il est là, qui est passé, qui est arrivé pendant le live. Comment ça va? J'ai même pas été invité, je me suis dit, je vais toujours passer à l'heure du live. Mais t'as raison. Là-bas. Tu as raison. Bon, ça va? Ouais, on soutient toujours. Ça va en pleine forme? Très très bien, Dieu merci. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, LCK? Hier, j'ai sorti un freestyle. Un gros gros freestyle hier. Voilà. Et puis vendredi, Inch'Allah, je sors mon premier son pour l'album qui sortira fin d'année. Voilà. Donc fin d'année 2015. Et voilà, où vous allez notamment voir l'artiste dedans. Et ouais. Et comme quoi, voilà. Et puis surtout, là, je suis venu pour Nixie, voilà. Ça, lundi prochain, on sera sur le projet aussi de l'OCK. Ah ouais, ça c'est. Ah oui, oui. Ah ouais, fallait pas le dire, mais ça va. Donc Nixie, il est sur mon album. Donc il y était jusqu'à maintenant, mais peut-être plus en fin d'année. Voilà. Non, non, on était malade. C'est titulaire indiscutable, Nixie. Le morceau, il est dedans. Et voilà, pour ceux qui attendaient ça, que cette fois-ci c'est moi qui invite vraiment sur mon album, ça devait se faire et voilà, Nixie sera dedans. Donc fin d'année 2015 pour ton album. Exactement. Bon, et surtout roule. Vendredi, faut et voilà. Vendredi, le premier extrait. Voilà. Mais là, c'est Immortel. On est là pour Immortel. Voilà. Ça sort lundi 13 avril. Et on sera là-bas. Et ben merci à vous tous. Tiens, on n'a pas fait. Quand même, ce soir, petit pronostic. Et l'album à l'artiste, il est aussi. Hein. Et il est disponible. Hein. Voilà, faut aller le chercher. Hein. Petit pronostic, il y a PSG Saint-Etienne, puisque Momo est là en train de tout à l'heure. Il dit t'as pas parlé de Paris encore, t'as pas parlé. 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris. Ouais. L'artiste. Ouais, franchement. Non, je pense, hein, on va faire un truc. Genre 3-1, 4-1. 4-1. Okay. Ah, 4-1. Écoute. On suivra Sacha Difool dans un instant. C'est Coupe de la Ligue. Hein. Coupe de France. À suivre dans la radio libre de Difool dans un instant. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre ton casque Power Beats 2, l'album de Sam Smith, plus des bons d'achat de 50 euros. Avec Sofiane de Mantes-la-Jolie. Salut Sofiane. Salut Ted. Ça va en pleine forme? Bah ça va et toi? Bah écoute, très bien, gros live à l'instant avec Cynic. Bah ouais, j'entends ça. Et avec toi qui viens faire tourner la roulette, on y va. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. La roulette qui va s'arrêter sur la case, c'est. Et ben voilà. C'est l'album de Sam Smith qui était en interview chez Emmerich tout à l'heure entre 16h et 20h. Plus les écouteurs, les nouveaux Beats by Dre. Ils sont pour toi, on te les envoie. Trop bon. C'est trop pour bon. Toi, on voit ça rapidement. Ok, trop bon, merci. La jolie. Merci à toi, Sofiane. Merci. Passe une bonne soirée, merci à vous, merci à l'artiste. Merci donc. À toi, frère. Merci à toi, l'artiste, frère. D'être venu, à l'ECK d'être passé, à tous ceux qui soutiennent depuis le début de la semaine. Voilà. DJ Joe, il était au platine ce soir, une fois de plus. Yes. Et phénoménaux, c'est dans les bacs. Ouais, et donc là, il n'y a pas Immortel 2, c'est dans les bacs le 13 avril. Les albums, ils sont dans les bacs. Phénoménaux, ça vient de chez 609, voilà. Donc il y a phénoménaux avec l'artiste et il y a Cynic qui débarque lundi. Et bientôt le nouveau clip de l'ECK. Et voilà. Et je peux faire quelques dédicaces. Bien sûr. Vas-y. Capello, Pouille, Souley, Hamza, Rolls, La Perruche, Nino, tout le monde, Rabat, tous ceux qui nous ont aidés qui nous ont soutenus un peu sur l'album, ceux qui m'ont aidé moi plus particulièrement. Et puis merci au frère Ossini pour l'invitation, c'est lourd. Je suis content. La famille, et on te retrouve aussi donc sur l'album Immortel 2 avec exactement. Le morceau que vous avez fait en live tout à l'heure. Très live dans les packs. Un demi-live. Maintenant c'est de nouveaux textes, donc faut les apprendre. Les morceaux on les connaît pas, les CD viennent d'arriver, faut se les remettre en tête. Mais c'est bon, on sait que t'es un mec de scène parce que t'as tout de suite. Ouais, t'inquiète pas, laisse-moi une semaine. Avec le public qui est là, qui est venu en soutien. Ouais, t'inquiète, on se chauffe vite. Merci à toi Sinning, merci à vous tous. Bonne soirée, on va retrouver Difool maintenant et toute l'équipe de la Radio Libre, je pense que tout le monde est là, ou presque. Ou ça va pas tarder d'ailleurs. Non, mais on est là, Fred. Bah voilà, ça y est. Salut Fred. Comment ça va? Bien et toi? Bah très bien aussi. Cynic bien? Ouais, tranquille et vous les gars? Tranquille aussi, tranquille. Ouais. Il fait beau, c'est sympa. Ouais, il y a Cynic dans Planète Rap. Ouais, nickel, tout va bien. Il est cool, il a préparé un album pour lundi, c'est bien. Lundi, c'est ça. Voilà, on sera dans. Enfin, il sera dans les bacs, lui surtout. Nous, on se mettra pas dans les bacs, on rentre pas dedans. Non, c'est clair. Romano peut-être. Ah, c'est possible. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il est possible que je me mette dedans, ouais. Donc l'album c'est lundi, l'album de Cynic dans les bacs et yes. Demain soir dans Planète Rap, 20h, 21h à retrouver avec Fred et Planète Rap, donc à pas louper. Oui. Là c'est parti dans un instant. Parti. Grosse soirée du foot à suivre. On a fait les pronostics, ça y est, c'est fait. Alors les pronostics, rappelle 2-1 pour Cynic. 2-1 pour Saint-Etienne, bien sûr. Sinon. Oui, bien sûr. Tu as des problèmes. Ah oui, c'est vrai que toi, dis full, tu es Stéphanois. Oui, oui, il paraît, ouais. Ouais. Et pour l'artiste, c'est carrément Catan. Catin. Catin. Catin. Ah ouais. C'est original. C'était le score annoncé. C'est noté l'artiste. Donc Catin pour l'artiste. J'ai bien noté. Hashtag Catin l'artiste. Allez-y sur SMS. Sur le Twitter. Oui, il va être content, je pense. Et puis, et ça. Pour Fig. Et toi, Fred? Ah, mais moi, 3-0. Oh, bah, carrément. Oh, bah, évidemment. Pour Paris, Fred. Évidemment. Hein. Bah, oui. Bon, bah, soirée à suspense. On suivra ça d'ici quelques instants. C'est la demi-finale de la Coupe de France pour savoir qui sera opposé à Auxerre, qui s'est qualifié hier, les Bourguignons. Ouais, le retour des Bourguignons. Ah ouais, bah c'est même inespéré. Qu'on n'avait pas senti venir et qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés, ils ont battu Guingamp hier. Ah bah voilà. Bon, il y aura du foot évidemment, mais vous tous et vous toutes en direct surtout. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 01 53 40 30 20. On vous attend tout de suite. On va sur un petit Florida là pour démarrer. Florida pour démarrer la soirée. Et vous tous, juste derrière au 01 53 40 30 20. Vous nous laissez vos messages sur le 41759, l'appli Skyrock, le skyrock.fm. On vous attend en direct et on vous retrouve avec toute l'équipe dans quelques secondes. Ciao, ciao. Salut Fred. Salut Cynique, à demain. Demain 20h, le retour. Et nous on arrive tout de suite sur Skyrock. Glory Down for Nail, c'est le nouveau.